t'es les watts dans la game. Si t'es un flic, t'auras une poêle dans la tête. Depuis la tête, on voit des lyrics qui les plaisent. Le son est criminel, c'est grâce à nos plaies. C'est le boîte son du bloc son. Écoute nos troupes psychiatriques sur la batterie main. Réouvrir les cicatrices, moi et mes plaques. Rien à foutre, la patrie claque. L'argent est pasta, la Tupac, l'instinct est dark. C'est la bastardise, ça fait Absar au noir sur la piste. On est venu pisser, t'arracher ton pire. Pas d'embrouillement, juste un litige. T'as pris le corps en nul, ne tue à le Christ. Dans les crocs et puis les douilles, tu découvres pas que tu déconnes un deck. Fla les decks, négro c'est misto au bloc, hey. Ranger la coupe, fusil à pompe dans le froco. On a les crocos, les couilles à roco, c'est nickel les propre. Enlève ta putain de token, c'est pas la brocante. Puis grave la pack au négro pour s'arracher en bande en Thaïlande. Bye bye, on s'arrache à Pattaya. Moi et mes potes fumer d'un blunt dans la boca. Et les boîtes dans la caisse. Si t'es un flic, t'auras une poêle dans la tête. Depuis la tête, on voit des liens, ce qui les plaît. Le son est criminel, c'est grâce à nos plaies. C'est le bat son du bloc. Tu te bottes dans la caisse. C'est un flic, t'auras une balle dans la tête. Depuis la tête, on voit des lyrics qui les blessent. Le son est criminel, c'est grâce à nos blesses. C'est le 4 yen drive by dans le rap game. On s'en bat les couilles de tes chats, de ton fric et de ton bling bling. On a le rap qui swing, le rap qui surine. Tu rires, remonte ton string, c'est capote sur le ringier. On baisse ta race, ok, baisse ta tête. Boulette sur mon costa, ok, négro roule en pète. Y'a trop de chiennes, c'est bête, au périmètre. Sans passons ton calibre et ta capote. Sinon tu finis froid entre quatre planches. Drôle d'époque, il veut mon pote. Pas besoin de rapper pour rouler en Porsche. On a des guns portables, on est insortables. Champigny 9-4, monte sur la cape chaque soir, ratable. On a posé les emboys, c'est vrai. Y'a des fifnas, c'est frais, mais on fait flipper ici. Je t'avertis si tu parles dans le son. Fais attention, tu vas payer une putain de rançon. T'es les boîtes dans la caisse. Si t'es un flic, t'auras une poêle dans la tête. Depuis la tête, on voit des liens, ce qui les plaît. Le son est criminel, c'est grâce à nos plaies. C'est le bat son du bloc. Tu te bottes dans la caisse. Si t'es un flic, t'auras une balle dans la tête. Depuis la tête, on voit des liens, ce qui les plaît. Le son est criminel, c'est grâce à nos plaies. C'est le 4 yen drive by. Voilà B94K. Tu peux nous tester, yeah. 9K. Tous les criminels, tous les ghetto youth. Si, Ado Crips, Casté, yeah. C'est les yeux. Monte le son dans ta caisse en foire.